Quoiqu'elle n'eût vu la cour qu'en passant, elle y avait jeté un coup d'œil rapide qui lui avait suffi pour la connaître. Elle s'y conserva toujours des amis, et malgré les secrètes jalousies, malgré les murmures qu'excitaient sa conduite et ses dettes, elle n'a jamais perdu sa pension. Elle avait l'expérience du monde et l'esprit de réflexion qui fit tirer parti de cette expérience. C'était le sujet favori de ses conversations, et c'était précisément, vu mes idées chimériques, la sorte d'instruction dont j'avais le plus grand besoin. Nous lisions ensemble La Bruyère. Il lui plaisait plus que La Rochefoucauld, livre triste et désolant, principalement de la jeunesse où l'on n'aime pas avoir l'homme comme il est. Quand elle moralisait, elle se perdait quelquefois un peu dans les espaces, mais, en lui baisant de temps en temps la bouche ou les mains, je prenais patience et ses longueurs ne m'ennuyaient pas. Cette vie était trop douce pour pouvoir durer. Je le sentais, et l'inquiétude de la voir finir était la seule chose qui en troublait la jouissance. Tout en folâtrant, maman m'étudiait, m'observait, m'interrogeait, et bâtissait pour ma fortune fort ce projet dont je me serais bien passé. Heureusement, ce n'était pas le tout de connaître mes penchants, mes goûts, mes petits talents. Il fallait trouver ou faire naître des occasions d'en tirer parti. Et tout cela n'était pas l'affaire d'un jour. Les préjugés même qu'avait conçus la pauvre femme en faveur de mon mérite reculaient les moments de le mettre en œuvre, en la rendant plus difficile sur le choix des moyens. Enfin, tout allait au gré de mes désirs grâce à la bonne opinion qu'elle avait de moi. Mais il en fallut rabattre, et dès lors, adieu la tranquillité.